sors de ma voiture et retourne à tes confitures. Avec toi la vie est vraiment trop dure. Bébé, sors de ma voiture. J'ai cru à tes délires, rêve de magazine, mais je veux en finir. Allez bébé, sors de ma vie. Sors de ma vie. Oh bébé, sors de mon cœur. Tes envies me font un peu peur. Avec toi la vie est vraiment une horreur. Oh bébé, sors de mon cœur. J'ai cru à tes délires, rêve de magazine, mais je veux en finir. Allez bébé, sors de ma vie. Sors de ma vie. Bébé, sors de ma vie. Je maudis toutes nos nuits. Retourne avec tous tes amis. Bébé, sors de ma vie. J'ai cru à tes délires, rêve de magazine, mais je veux en finir. Allez bébé, sors de ma vie.